7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Mais vous êtes fous ? De la nuit du 12 au 13. Je viens à propos de la nuit du 12 au 13. J'aimerais que vous me parliez du commissaire Bertrand. Il est parti. Il est parti, le magnifique Bebel, comme on l'appelle, dans le milieu du cinéma, 88 ans. On voulait lui faire un petit clin d'œil ce matin. Jean-Paul Belmondo, le roi de la cascade, le magnifique. Ou alors encore Peur sur la ville, les Morphalos, on en passe des films, Flic ou Voyou. Un petit clin d'œil ce matin à Monsieur le roi de la cascade. C'est vrai qu'il ne se faisait jamais doubler. Belmondo nous a quitté hier à l'âge de 88 ans. On voulait lui faire ce petit clin d'œil ce matin. Isabella, pour bien vous réveiller, 7h02 en direct de la radio. 7 minutes en direct de la radio. Salut Stéphane Lemoine, le nouvel auditeur de la radio, ça fait plaisir. Salut Florent Migou, qui enregistre toute l'émission. Quel est votre film préféré de Belmondo, hein? Vous envoyez des messages là sur mon Facebook ou alors sur mon Messenger. Quel est votre film préféré? Bah, moi c'est Flic ou Voyou. Voilà. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Et en souvenir de Bébel qui nous a quittés hier. Je suis triste, franchement, je suis vraiment triste. Un petit clin d'œil avec ce titre hommage. En souvenir de toi, de nous, voici Grégoire, mon pote. Je n'ai plus vraiment peur, je n'ai plus vraiment froid, car aucune douleur n'est plus forte que toi. Et j'ai beau me redire que tout ça passera, j'ai beau tenter de fuir, tout ça ne passe pas. Et je me sens tomber bien trop loin de tes bras. Et pour me relever, je n'espère que toi. Car ça fait si longtemps que ton silence est mort. Alors si tu m'entends, d'où tu es, dis-le-moi. J'aurais dû t'avouer bien avant ton départ à quel point tu comptais, et on apprend trop tard qu'il faut tout se donner sans jamais réfléchir, ne jamais calculer, ne jamais prévenir, et toujours profiter du présent près de toi. Quand personne ne sait où nous guidons pas. Et pose ma main sur nos morceaux d'hier perdus dans cette mer. Grégoire, sur Radio Arc-en-Ciel, 7h09 minutes. Ça fait plaisir d'en trouver avec ce smile et cette bonne humeur. En direct, Francky dans la radio. Eh ouais. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Appuyez sur les bons boutons, Francky. Voilà, c'est ça. Votre film préféré de Bébel, c'était quoi? Ou c'est quoi? C'est toujours quoi? En vigueur, peut-être. Aujourd'hui, Myriam qui nous dit Itinéraire d'un enfant gâté, plutôt pas mal. Ludovic aussi, idem, Itinéraire d'un enfant gâté. Stéphane, Le professionnel est peur sur la ville, sacré Bébel. Quoi, quoi, cac, bagalaboum. On adorait ce cascadeur, la joie de vivre, c'est vrai, hein, jusqu'à 88 ans, toujours ce sourire, ce smile. On adorait, j'adore toujours d'ailleurs. Je suis triste, vraiment ce matin, je suis triste. Du son qui arrive avec le nouveau Lajari, et ça c'est la grosse exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Ils sont d'Olivet, ils sont venus plusieurs fois à la radio, leur clip a été tourné à Chargy dans la discothèque, et on est fiers de les recevoir ce matin. Voici Lajari avec On n'a pas le choix. C'est le nouveau Lajari. Sauver la planète, on n'a pas le choix. Être à découvert, on n'a pas le choix. Payer l'essence trop chère, on n'a pas le choix. Et rester solidaire, se lever trop tôt, on n'a pas le choix. Pour aller au boulot, on n'a pas le choix. Se dire que tout va bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. vrai qu'on n'a pas le choix. Au niveau de la jarry. Un bonjour à l'antenne. Appelle le 02 38 43 48 00. C'est vrai que depuis un an, un peu plus d'un an, on n'a pas trop le choix. Avec le Covid surtout. Coucou à Eleonore qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-Brest. Salut Francky, merci de, d'écouter de nouveau la jarry. Et du sac caliente avec J Balvin. Y ahora que la tiene te pregunto yo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. Si tú quieres que te lleve a disfrutar otro nivel. Sin límites, Balvin Dandil. Arriba la botella de Don Peri de mujer. Dale, rompe el suelo, mujer. Acércate a mí, a mí, a mí. Rompamos los esquemas. Báilame así, así, así. Está ahí por la lenta. Acércate a mí, a mí, a mí. Rompamos los esquemas. Báilame así, así, así. Sky por la lenta. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. Hoy tus mañas sintiéndote la del poder. Siempre ganas sabiendo lo buena que es. Y averigüe que esta noche iba a caer. Porque yo sé que cuando me ve se acerca a mí, a mí, a mí. Rompemos los esquemas. Báilame así, así, así. Sky por la lenta. Acércate a mí, a mí, a mí. Rompamos los esquemas. Báilame así, así, así. Sky por la lenta. ¿Qué es lo que quieres de mí? Lo que quieras de mí, de mí, de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? De mí, de mí. Haz lo que quieras de mí, de mí, de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. Keep popping me. Reggaeton. Reggaeton. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Non tenga miedo mi agarra. Toque mi, mi aperta, mi amasa. Así no da tu gusta. No consigo mi controla. Ten cuidado da mi cuya. No da mesmo para parar. Cata da mesmo para controlar. Controla, controla, eu.

take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my stand. I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Ciel 7h25, les belles reprises avec ce DJ Son of Legend, What a Feeling, Flashdance dans les années 80. Un film que vous appréciez aussi sur la radio couleur, Frankie en direct. Et ça me fait plaisir de retrouver avec le soleil aujourd'hui, ça c'est la très très bonne nouvelle. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Frankie. Et puis un ancien footballeur qui nous a quittés, on avait parlé de lui à la radio il y a très longtemps avec Cyril notamment. Bernadette, son épouse, qui était à ses côtés pendant tout ce temps, le temps qu'il soit dans ce coma artificiel. Jean-Pierre Adams est décédé, ancien international de l'équipe de France, à l'âge de 73 ans. Il est resté, écoutez bien, 39 ans dans le coma depuis les années 80 où il s'était fait opérer d'une petite opération du genou. Et il est resté dans le coma pendant 39 ans. Sa femme était toujours à ses côtés depuis son décès hier, malheureusement. À l'âge de 73 ans, voilà, condoléances à toute sa famille. Un sacré bonhomme, c'est ce que dit Marius Trésor, l'ancien joueur de l'équipe de France, un pilier de l'équipe de France, ancien international. Voilà, Jean-Pierre Adams, un petit clin d'œil à lui ce matin, qui nous a quittés à l'âge de 73 ans. Et soutien à toute sa famille et Bernadette, sa femme, qui était toujours à ses côtés. Voilà, pendant qu'il était dans le coma, malheureusement. On a voulu lui faire un petit clin d'œil à Jean-Pierre. Du son qui arrive avec Bob, Bobby. Bah ouais, on l'aime bien, Bobby, à la radio. Sinclair, bah justement, Belmondo, il avait joué Bob Sinclair dans le magnifique Love Generation sur la radio couleur. Celebration, le son de Bob Sinclair en le mix 2021. Heureux d'être avec vous, 7h31 sur la radio couleur. Et tout à l'heure, on sera en direct de la passerelle de Fleury-les-Aubrais avec la responsable de la culture, hein, pour voir un peu ce qui va se passer pour cette belle rentrée, la passerelle de notre belle ville de Fleury-les-Aubrais. Sabrina sera avec nos téléphones. Et puis, on va pas débrancher tout de suite. Pas encore, en tout cas, on adore ce tube. C'est France Gall sur la radio couleur. Belle journée à vous, si vous réveillez sous le soleil, aujourd'hui va briller, on va en parler dans quelques minutes, hein, jusqu'à 32 degrés, ça c'est la très bonne nouvelle. Puis la mauvaise, hein, Jean-Paul Bebel, il est parti il y a 88 ans. J'ai retrouvé un grand moment d'interview télé avec Coluche, avec Boujna et Belmondo. Écoutez, c'était vraiment un très très grand moment de radio et de télévision. C'est pas dans. Et moi, vous l'avez écouté le disque, hein. Soir et matin. Il n'était pas temps. Faut vraiment l'écouter, l'acheter. Pas trop cher, achetez-le. Ça me fera plaisir. Vous ferez une bonne action pour moi aussi. Il paraît que vous les. Tous les deux. Et puis le disque est très bon aussi. Si vous pouvez aller voir Hold Up, il est encore dans deux salles. Mais en même temps, sa promo pour Hold Up, l'un de ses derniers films. Bebel qui nous a quittés. Heureux d'être avec vous. Ven Bailalo, salut son Caliente. Et puis Fabian, Juan Mai, la météo. On en parle dans 3 minutes. Et tout à l'heure, à 8h15, on sera avec la passerelle de Fleury-les-Aubrais, la salle de concert. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être énorme. Tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublierai ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est. Fabian Run Mine avec tous ces moments d'être avec vous. Puis j'ai eu une petite info insolite du côté de Nîmes, ça s'est passé vendredi. Il y a une femme qui a oublié son sac dans le bus. Alors le chauffeur, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, comme chaque fin de service, il a ramené le sac aux objets trouvés, hein, à la société de bus. Et puis ben, le lendemain, quand ils ont regardé dedans, il y avait 40 000 euros en petite coupure. Le sac n'a toujours pas été réclamé. Bon, c'est peut-être le mien, ça sauve à Nîmes. Ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est du son qui arrive. Firework, on adore sur la radio couleur. Disco Rage Generation. Yeah. spécial avec un son qui sont très disco. Et on adore à la radio ça, Purple Disco Machine avec Firework, Radio Couleur, 7h41. Minute, on est en direct à la météo pour aujourd'hui. Le temps est beau, beau, du soleil, pas un brin de nuage. Eh ouais. La météo. Crac crac badaboum, j'arrive, je suis de cascade comme Bébel le matin avec des températures plutôt pas mal ce matin. On démarre à 16 degrés, on va monter jusqu'à 31, 32 degrés. Pas de nuages prévus au programme et ça c'est la très bonne nouvelle. La mauvaise c'est que normalement ça devrait se dégrader à partir de demain peut-être. Jeudi, vendredi et samedi retour normalement au soleil. Du son latino qui arrive et juste avant pour vous sortir de lit avec le make-up qu'on a fait à la radio à l'époque. C'est pas tout neuf hein, de David Guetta. Un petit remix qu'on adore et vous aussi on vous adore. Stéphanie du côté d'Orléans, salut Francky, belle journée à toi. Bah ouais, belle journée à toi aussi. David Guetta qui arrive dans moins de 3 minutes et puis du son Van by Lilo sur la radio couleur. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Cuando tú me pegas, mami, es que me vuelves loco. Cuando tú me besas, mami, es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco cuando tú me pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas, mami. Es que me vuelves loco y loco. Sin pena, bailando, que contigo yo me zumbo, bailando, dos puntitos sin rumbo. Radio Arc-en-Ciel sous le soleil aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver avec 31 degrés. Qu'est-ce qu'on va être bien. Salut Monsieur Laurenceau qui nous écoute sur la radio couleur 96 de FM. C'est le son qu'il faut pour vous réveiller le matin dans la voiture, sur la tangentielle. Bah ouais, cette fameuse tangentielle qui bouge tout le temps. Bonne rentrée scolaire à tous aussi, parce qu'il y en a qui rentrent aujourd'hui. Bah ouais, j'ai Virginie qui m'a dit, moi je rentre aujourd'hui à la fac. Ouais, je sais pas, moi je suis pas au courant. J'ai longtemps que je suis pas été à l'école, tu me diras. Voici David Guetta en direct à la radio, 7h48 minutes. na. J'adore ce remix des grands DJ italiens, Paolo Monti. Heureux d'être avec vous, 7h40, non, 53. Il n'y a pas une horloge à l'heure là-dedans. Il y a trois horloges, il n'y en a pas une qui a l'heure. C'est un truc de fou quand même. 56, j'ai 49. Quelle heure il est chez vous? Quelle heure il est, soit tangentiel? Bébel nous a quitté, le magnifique Craig Boom, les cascades. C'était lui, bah ouais. Mon vieux Bébel, 88 ans, il est parti. Le magnifique. C'est super important. Matt Houston, le remix. Quel souvenir radio. À bientôt, 8h, heureux d'être avec vous. Et puis hier, on a aussi appris le décès, malheureusement, de Jean-Pierre Adams, 73 ans, ancien international de l'équipe de France. Il était tombé dans le coma depuis les années 80. Il restait 39 ans. Sa femme, Bernadette, l'a toujours accompagné, toujours à ses côtés. Et malheureusement, il nous a quittés hier. Il avait 73 ans. Voilà, un petit clin d'œil à Jean-Pierre Adams, ancien international. Marius Trésor a déclaré, c'était un pilier de l'équipe de France. On pense à lui et puis soutient à toute sa famille. Et puis du son qui arrive avec l'Espagne, le meilleur des souvenirs, Enamor la mer. Enamorame, impressionne-moi. coro, que hasta los poros te miro. Y sé que tú estás más que el oro, me excita como el sudor, moja tu pelo. Si te ve mi abuela, mañana hay un duelo. Tírate al suelo, caramelo, y deja que tu papi te lleve al cielo. Un petit hommage à la famille Patrac de Montpellier. Ouais, les grands musiciens du flamenco, on les adore à la radio. Et c'était un petit clin d'œil à notre ami Pépito aussi qui nous a quittés au mois d'août, il y a 2 ans déjà. Voilà. Les souvenirs radio et puis le tube qui vous a fait lancer il y a déjà 1 an et demi. Eh ouais, c'était juste avant le Covid, rappelez-vous. Jérusalem, Mister 4G. Et on adore à la radio. Heureux d'être là, Stéphanie qui est du côté de Saint-Jean-de-Bresse. Salut Francky. Merci de nous donner un peu de son espagnol comme ça le matin. Bah ouais, c'est bon la guitare là. Voilà Manolo. Et puis crack boom U, le roi de la cascade. Il est là. 88 ans, il nous a quitté Bebel. Voici Jérusalem, c'est le remix. 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Cuatro. No importa el que dirán, lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. Maluma, Felices Los Cuatro. Je parle bien, je parle toutes les langues, moi. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Stéphanie qui souhaite un bon anniversaire à son papa, qui a 49 ans aujourd'hui. Happy birthday, Jacques. Voilà, un petit happy birthday. Vous m'appelez 02 38 43 48 00. Le son des boules à facettes. Ah ouais, forcément. Peut-être que ce week-end, ça y est, vous allez faire la fête en boîte. Et ça aurait ouvert les discothèques avec le son des années 80. Le remix d'Oliver Chetham, Get Down Saturday Night Fever. La fièvre du samedi soir, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Le meilleur des années 80 avec Oliver Chetham, Get Down Saturday Night Fever, des bons plans de la passerelle tout le temps sur la radio couleur avec, on va accueillir notre invité Patricia ce matin. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Et il n'y a pas que des bons plans à la passerelle, on accueille Patricia en direct de la passerelle de Fleury-les-Aubrais. Bonjour Patricia. Bonjour. Ça va bien, la forme, avec ce beau temps aujourd'hui? Ouais, super, ça prolonge un peu le sentiment de vacances quand même. C'est ouais, parce que Orléans, je sais pas si t'es resté à Orléans, mais c'était pas terrible, hein, on va dire, hein, cet été. Faut être honnête. Non, moi j'ai eu la chance de partir et d'avoir à peu près beau, c'est bien. Eh ben c'est la bonne nouvelle. En tout cas sur Orléans, il va faire beau encore jusqu'à ce soir. Demain, ça risque de se dégrader un petit peu, Patricia. Mais bon, on n'est pas là pour faire la météo, on est là pour parler justement de cette belle salle, la Passerelle, salle de concert, salle de sport aussi, j'ai vu. Ça c'est, on fait du sport à la Passerelle ? On fait tout à la Passerelle. On a fait centre de vaccination pendant qu'on était fermé. Et d'ailleurs, je voulais dire, j'ai été me faire vacciner là-haut et je voulais remercier Carole Canette. Voilà. Au passage. Voilà, c'est ça. Non, l'idée c'était qu'on puisse faire profiter du lieu malgré la fermeture. On a aussi accueilli beaucoup d'artistes en résidence pendant cette période-là. Voilà, parce qu'on travaillait, mais pas ce qu'on avait l'habitude de faire, quoi. Donc, on a essayé d'optimiser au maximum le lieu et notre activité. Est-ce que la vie reprend un petit peu la passerelle, le cours de cette vie qui devient un peu plus normale, on va dire, qui se normalise, parce qu'il y a quand même une baisse en France du Covid, hein, heureusement d'ailleurs. Et est-ce que cette vie commence à reprendre à la passerelle ? Complètement, on a rouvert la billetterie le 23 août parce que justement on voulait aussi éviter la cohue. Donc on a ouvert le 23 août, il y a eu le forum des associations le week-end dernier. Ouais, je devais venir, désolé, j'ai pas pu, j'ai eu un empêchement. Voilà. Voilà, mais il y a eu quand même pas mal de monde. Donc les spectacles se mettent en place, nous en tout cas, on est dans les préparatifs pour démarrer la saison le 17 septembre avec le premier spectacle. Alors une salle de concert, de sport, mais une salle éclectique, on peut retrouver plusieurs choses, plusieurs thèmes, de la musique, des concerts, des spectacles. Qu'est-ce qu'on propose à la passerelle, par exemple, le plus souvent ? Tout, on propose tout. En fait, la ligne de programmation, elle est autour de l'humour, du décalé, du burlesque, de l'insolite, de la découverte. En fait, l'idée, c'est de faire découvrir des spectacles qu'on voit pas forcément ailleurs et dans toutes les disciplines. Donc, on propose du théâtre, du one-man show, de la danse, du cirque, des conférences. Du jeune public, beaucoup aussi. On a même des comédies musicales cette année. Ah, bien. Donc voilà, on a plein de choses. Alors, quand on est artiste, et si on veut postuler à la passerelle, si moi demain je fais du one man show, comment je fais, je vous contacte, c'est comment la sélection? Comment ça fait justement? Alors, en fait, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions. Nous, le principe, c'est qu'on va voir au maximum ce qui nous est proposé pour pouvoir le programmer. On est assez exigeant pour que ça rentre justement dans cette ligne de programmation. Il y a des critères alors, un petit peu, ouais. Oui, complètement. La ligne de programmation qui est fixée, elle est fixée par les élus, hein. Donc nous, il faut qu'on y colle au maximum. Et donc effectivement, on essaye de voir les choses, de voir les spectacles pour que ça puisse être le plus cohérent possible avec l'ensemble de ce qui est proposé. Alors la prochaine date à la passerelle, une date qui arrive très rapidement. Vendredi 17 septembre, le Capucine. Alors le Capucine, on peut résumer vite fait. C'est une jeune ventriloque qui c'est Capucine avec son petit dragon Elliot. Je sais pas si vous la connaissez, on l'a pas mal à la télé. C'est un peu la chouchoute de Jérémy Ferrari et Eric Antoine. Du coup, elle a participé à la France un incroyable talent. Et là, c'est son premier spectacle. C'est quelque chose de très jeune, très frais, qu'on va découvrir pour le coup. Elle avait des cautions avec Jérémy Ferrari et Eric Antoine. Du coup, on s'est lancé là-dedans et on a hâte de découvrir son spectacle. Donc, c'est le 17 septembre à la passerelle à Fleury-les-Aubrais. C'est ça. Voilà, une date à retenir si vous êtes du côté de Fleury ou même on peut venir de toutes les villes, hein, il n'y a pas que Fleury-les-Aubrais. Ah, complètement, on accueille tout le monde. Tout le monde est welcome à la passerelle. Alors, au mode Covid, bien sûr, il y a des règles sanitaires à respecter, je suppose. Oui, donc le pass sanitaire est nécessaire pour pouvoir assister au spectacle et le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du spectacle. En revanche, on n'a pas de jauge particulière. Ah, il n'y a pas de jauge, d'accord. Voilà, nous on est limité par la jauge de la salle. Il y a Isabelle qui me dit sur Messenger, est-ce qu'on peut venir avec un test PCR? Alors nous, en fait, vous venez avec ce que vous voulez. Nous, on scanne à l'entrée, on scanne votre attestation et on ne sait pas si vous avez le vaccin ou si vous avez le test PCR. vous venez, pourvu que si le test PCR est dans les bons délais, il sera valide. Y a pas c'est de... ça. Normalement, quand on scanne le tag Veris, ça nous dit valide ou pas valide. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Nous, on ne sait pas ce que c'est derrière. Voilà. Donc, on n'est pas les gendarmes non plus. Hein, faut dire exactement, ça. Exactement. Voilà. On fait le métier d'artiste. Eh bien, Patricia, on te remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes en direct à la radio Arc-en-Ciel. Mais de rien, avec plaisir. Vas-y. Au plaisir de vous accueillir. Faut que je repasse quand on même. On est vraiment super content de pouvoir ouvrir et de pouvoir retrouver et les artistes et le public. Et voilà, le 17, on vous donne rendez-vous à la passerelle. C'est à partir de quelle heure, le 17? Alors, la billetterie, elle ouvre à partir de 19h30 pour qu'on puisse fluidifier l'entrée, qu'il n'y ait pas trop d'attroupement aussi. Oui, parce qu'il y a des contrôles. Voilà, le spectacle démarre à 20h30. Ah, d'accord. C'est ouvert à tout public? À partir de quel âge on peut venir là pour ce spectacle? À partir d'une dizaine d'années, je dirais. D'accord, ok. Et ben voilà, rendez-vous est pris avec les auditeurs de la radio, et puis vous qui êtes de l'autre côté de la radio, pourquoi pas le 17, une bonne sortie en famille, ça peut le faire aussi, ça. Exactement. Merci Patricia. Merci à vous, à bientôt. Belle journée, en direct de la passerelle. Merci. Au revoir Patricia. Au revoir. Le magnifique nous a quitté, 88 ans. Ah, j'ai de la peine ce matin. J'ai de la peine parce que c'était mon idole, hein, les cascades, le magnifique, comme on l'appelle. Un petit clin d'œil à lui ce matin. Kenji qui arrive avec Mi Amor, c'est sur votre radio aux couleurs. Bonjour Apollo qui nous écoute aussi, Apollo Mendes. Comme le garage Mendes, on vous aime. Voici Kenji. J'ai perdu l'appétit depuis longtemps, depuis que tu m'as laissé. Oh, oh, j'avoue que je me suis comporté comme un lossin. J'avais raison, j'étais un mentiroso. J'ai changé depuis, est-ce que tu le ressens? Oh, oh, oh. Pourtant je briserai tous les remparts. Que dirais-tu d'un dernier rencard? Tant pis si les gens disent que je suis ringard. Oh. Pourtant je briserai tous les remparts. Que dirais-tu d'un dernier rencard? Je regrette t'avoir laissé filer. Mi amor. Je ne tiendrai J'ai mal, mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi, je ne dors plus la noche. Je rime, mais j'ai mal, mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi, je ne dors plus la noche. Avec le dieu du soleil Kenji Girac, et puis lui c'était le dieu des cascades, Bebel, 88 ans, il nous a quitté. Un petit extrait pour le magnifique. Je suis impuissant, Bebel, je pousse en mer. Cessez le feu. Belmondo le magnifique. Quel souvenir quand même, quel personnage, quel bonhomme, toujours le smile. On voulait lui faire un petit clin d'œil ce matin. Le magnifique, super souvenir. Et Bebel, qui va se battre. Allez, le roi de la castagne. 8h30 minutes avec le meilleur des souvenirs. Ils sont restés 17 semaines. Numéro 1 au top 50 en 86. Vous aviez quel âge en 86? Voici Images et les démons de minuit. 6h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Salut à Larissa qui nous écoute d'ailleurs souvent. On les salue. Coucou à nos amis qui sont encore en vacances au Portugal. Il fait très très chaud là-haut ici. Aujourd'hui aussi jusqu'à 31-32 degrés. C'est le meilleur des souvenirs avec Eternal. I wanna be the only one. C'est du son caliente qu'il vous faut le matin pour vous emmener au boulot.

danser. Mon ami, tu rêves, car cette fille n'est pas pour toi. Ta radio soleil dès 7h avec Francky. Dans la fino, caliente tu, y que viva la vida, C'est la grande famille du collectif BTC. On aura le nouveau single la semaine prochaine. Danza Latino, Van Baila, Maria, Maria. Jusqu'à 9h. C'est Francky avec du soleil, justement. Aujourd'hui, il va briller jusqu'à 31 degrés. Pas un nuage dans le ciel. Profitez, profitez. Santana, Maria, Maria. Allez, souvenirs des années 2000, ça fait du bien quand même. L'amour à la plage, vous rappelez de ce tube planétaire? Eh bien, il a été repris par une fille qui s'appelle Ava. Voici le remix de L'amour à la plage. Ouais, tout l'été, on a fait l'amour à la plage. Ava, sur Radio Arc-en-Ciel.